France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le récit d'une enquête et d'une traque hors norme pour localiser, intercepter et mettre hors d'état de nuire un tueur en série, Sid Ahmed Rezala. Le 13 octobre 1999, les gendarmes retrouvent le cadavre d'une jeune femme de 20 ans le long des voies de chemin de fer. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait été éjectée en pleine nuit du train Limoges-Paris. Deux mois plus tard, le 14 décembre, des agents SNCF découvrent le corps sans vie d'une jeune mère de famille dans les toilettes du train Calais-Vintimille, le corps lacéré de 14 coups de couteau. Trois jours plus tard, le 17 décembre, c'est dans une cave, cette fois à Amiens, que la police tombe sur le cadavre en décomposition d'une étudiante. Elle était violée, tabassée, étranglée. Grâce à plusieurs témoignages et grâce également au recoupement des faits, les enquêteurs établissent un dénominateur commun à ces trois meurtres. En l'occurrence, un homme âgé d'une vingtaine d'années, à la fois témoin et suspect, et que la presse va dès lors surnommer le tueur des trains. Il s'appelle donc Sid Ahmed Rezala. Notre invité aujourd'hui, le journaliste Frédéric Vézard, rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace et de l'Alsace, un autre journal de la même région. Il a suivi et enquêté sur cette affaire Rezala. Il est l'auteur du livre La France des tueurs en série, paru en 2002 chez Flammarion. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il est évident qu'il y a un suspect numéro un, je ne sais pas s'il faut l'appeler témoin numéro un, suspect numéro un, mais il y en a un. Je peux vous indiquer qu'il est activement recherché par les services de police et de gendarmerie qui agissent en étroite collaboration. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des éléments qui permettent effectivement de désigner un suspect numéro un, et il y a des éléments qui permettent de dire que ce suspect numéro un est également impliqué dans l'affaire dite de Châteauroux. Le suspect numéro un a un casier judiciaire. Je ne qualifierai pas son casier judiciaire de très chargé, il a un casier judiciaire. Mercredi 15 décembre 1999. À quelques jours des vacances de Noël, un vent de panique souffle dans toutes les gares de l'Hexagone. Deux meurtres de jeunes filles, deux trains, un seul suspect, vous venez d'entendre. C'est en ces termes que le procureur de Dijon, Pierre Denier, résume la traque en cours pour mettre hors d'état de nuire un jeune homme de 20 ans. Cet individu que la police affuble du titre de suspect numéro 1 et que certains journalistes qualifient d'ennemi public numéro 1 a déjà été condamné pour vol à violence. Considéré par le policier comme dangereux, imprévisible, il voyagerait sans billet dans les trains de nuit de la SNCF et aurait à son actif déjà deux agressions mortelles. Quelques heures plus tôt, sa description a été envoyée par fax à tous les commissariats de France. Sur celle-ci, on peut lire « Sid Ahmed Rezala, né le 20 mars 1979 à El Biar, Algérie, visage de type maghrébin, mesure 1m78, porte jean et basket, connu pour violence par arme blanche et viol, doit être interpellé pour répondre aux questions des enquêteurs au sujet des meurtres de Châteauroux et de Limoges. » Le spectre de l'affaire Guy Georges, violeur et meurtrier en série, qui avait terrorisé la capitale pendant des années, plane encore dans toutes les têtes. Dans ses colonnes, le journal François affirme d'ailleurs que tant que Rezala n'aura pas été arrêté, toute femme voyageant seule à bord d'un train peut être en danger. Face à cette menace qu'il juge bien réelle, de nombreux voyageurs annulent leurs billets. D'autres prennent leur voiture. Le tueur des trains rôde quelque part sur le territoire. La police est sur sa trace. Réussira-t-on à l'arrêter avant qu'il ne fasse une nouvelle victime? C'est à Marseille que Sid Ahmed Rezala avait été aperçu pour la dernière fois. Alors, fouilles, ratissage et surveillance s'engagent autour du Vieux-Port et de la gare Saint-Charles. Ici aussi, la paranoïa prend des proportions inquiétantes. Les appels à la police se multiplient. Chacun pense avoir vu, croisé ou rencontré le tueur des trains. Conséquence, sur la base d'informations anonymes, la brigade criminelle de Marseille procède dans la même journée à plus d'une quarantaine de perquisitions. Dans un même immeuble, 15 portes de logement sont enfoncées afin de vérifier que Rezala, l'homme le plus recherché de France, ne s'y cache pas. Marseille, c'est la ville dans laquelle Sid Ahmed Rezala grandit. C'est ici qu'il a passé une grande partie de son enfance avec sa famille, après être arrivé d'Algérie. La famille, justement, elle habite toujours là, quartier de la Belle Nemée, à deux pas de la gare Saint-Charles. Par la voix de leur avocat, Jean-Claude Richard, les parents de Sid Ahmed lui demandent alors de se rendre à la police avant qu'il ne soit trop tard. Surtout, nous tenons à vous dire que nous avons confiance que Sid Ahmed sera arrêté vivant. Il paraît très important également que tout le monde soit d'accord sur cet élément du dossier. C'est pour ça que la mère appelle à ce que son fils se rende volontairement à la justice en qui il a confiance. Famille qui est harcelée, comme vous savez, de nuit et jour par des lettres de menaces, des lettres d'injures, etc. C'est un cauchemar permanent pour une famille qui, en tous les cas, n'a rien à voir avec l'affaire. C'est un cauchemar, garde à vue de 10 heures, enfant de 13 ans, garde à vue pendant 10 heures. Double garde à vue du plus grand frère. Harcèlement, contrôle de police incessant toute la journée. On contrôle 3-4 fois les mêmes personnes dans la rue. Je veux dire, est-ce que c'est utile à l'enquête? J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est un cauchemar qui dure depuis maintenant 14 jours, je crois, ou 12 jours. On vous dit... On fait confiance à la police et à la justice qu'il soit arrêté vivant. Ça paraît difficile à croire, mais c'est en lisant François que les policiers marseillais découvrent que Rezala fait escale à Marseille. L'un des journalistes du quotidien, Jean-Michel Verne, est en effet le premier à avoir retrouvé l'adresse des parents de Rezala en tapant le nom du tueur sur le Minitel. Dans la foulée, Verne s'est rendu à leur domicile, quartier de la Belle Nemée. Voilà, c'est aussi simple que cela. Mais pas pour la police, apparemment. Sur place, le journaliste n'a vu aucun dispositif policier. Depuis le trottoir d'en face, il hurle « Monsieur Rezala, Monsieur Rezala !» en direction de l'immeuble. Alors, un homme d'une soixantaine d'années apparaît à l'une des fenêtres. C'est le père de Sid Ahmed. Ce dernier accepte de s'entretenir avec le journaliste dans la cage d'escalier. L'homme refuse de croire que son fils puisse être lié à une double affaire de meurtre et lui dit, le plus naturellement du monde, qu'il vient de le rater à 5 minutes près. Meurtre dans le train exclusif, le père du suspect témoigne, peut-on lire en une de François. Avec à côté le dessin du portrait robot et ce sous-titre qui éclabousse de honte l'institution judiciaire. Notre reporter est présent au domicile du tueur avant même la police. Sid Ahmed Rezala était donc bien à Marseille. Et s'il semble être passé entre les mailles du filet, où est-il? Le lendemain, c'est dans les colonnes du journal Libération qu'on découvre le portrait de l'homme le plus recherché de France. Sur deux pages, les journalistes Sylvestre Laour, Dominique Simoneau et Patricia Touranchot décryptent les vies multiples d'un jeune père de famille devenu serial killer présumé. De Marseille à Amiens, de prison en train, Sid Ahmed Rezala, 20 ans, trimballe ses soucis dans sa tête et donne le change avec sa bouille charmeuse. Sac à dos, basket, jean et casquette, il a des attaches dans la Somme, une fillette de 18 mois. Même s'il est brouillé avec la mère, Nadia, qui habite Amiens. Sid Ahmed Rezala ne zone pas avec les bandes du quartier. Quand il a la garde de son bébé, il vient souvent se promener dans la bourgeoise rue Jules Lefebvre. Le soir, il apparaît parfois dans le quartier Saint-Leu, au bord du fleuve, dans les cafés près des facultés. Ce type était d'un abord sympathique, un mec tranquille qui balade son bébé, gentil, serviable, racontent les voisins qui l'ont connu. Derrière la vie d'un jeune homme sans fausse note, écrivent les journalistes, se cache une part d'ombre, une sorte de légende noire qui s'étale en filigrane depuis l'enfance et qui fait voler en éclats le sourire décontracté et chaleureux de Rezala. Gamin, Sid Ahmed désertait l'école et traînait dans le quartier de la gare Saint-Charles. Quelques petits délits, vols et larcins, avant même qu'un beau jour, tout bascule. Il a alors 15 ans. Un après-midi, il entraîne un jeune garçon de son âge dans le parking souterrain de la gare Saint-Charles et le viole. Face aux policiers, Rezala parle d'une pulsion, de quelque chose qu'il n'a pas pu contrôler. Personne ne le croit, personne ne l'écoute. Un psy le juge immature et instable. Il est condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme. En détention, Sid Ahmed est victime de crises d'épilepsie. Lorsqu'il est libéré, il replonge dans la délinquance. Sa rencontre avec Nadia le change pour un temps, c'est vrai, le fait d'être père aussi, mais au fond, il dissimule toujours ce petit quelque chose que personne n'a voulu voir, comprendre ou soigner. Ce petit quelque chose qui peut le faire basculer. En mars 98, la justice le condamne de nouveau à un an de prison ferme. Cette fois, pour l'agression à l'arme blanche d'un vigile de la SNCF. Durant cette deuxième détention, l'un des co-détenus de Rezala l'accuse de tentative de viol. Pendant ce temps, Nadia, sa compagne, met fin à leur relation. Lorsqu'il sort de prison au mois de juin 99, Sid Ahmed Rezala suit une formation dans l'hôtellerie. Il tente de rejoindre Nadia et leur fille à Amiens, mais désormais, la jeune femme vit avec un autre homme. Sid Ahmed commence alors une errance dans les trains de nuit. Il parcourt la France, sans billets, avec pour seule compagnie le plus souvent une bouteille de whisky et un pochon de cannabis. Quelques mois plus tard, une série de meurtres se déroule dans des trains. France Inter. La jeune Isabelle Pic a-t-elle été jetée du train? A-t-elle trouvé la mort dans le Limoges-Paris du 13 octobre, 12 jours après la découverte de son corps, le long de la voie ferrée à Chabenais dans l'Indre? C'est bel et bien cette double question que se posent les enquêteurs. Car même si on ne peut pas l'exclure formellement, la thèse du suicide aujourd'hui ne tient pas vraiment. Les gendarmes ont reconstitué une partie de son emploi du temps le jour de sa mort. Ils ne sont pas loin de penser qu'elle a été tuée dans le Limoges-Paris de 3h08 le 13 octobre dernier. C'est la raison pour laquelle les enquêteurs recherchent maintenant tous les passagers présents dans ce train la nuit du 13 octobre. Le 13 octobre 1999, des agents de la SNCF retrouvent le corps désarticulé d'une jeune femme au pied d'un pylône de caténaire le long d'une voie de chemin de fer à hauteur de la commune de Chabenais dans la région de Châteauroux. La victime a la tête et la poitrine éclatées, les jambes fracturées. Sa montre s'est arrêtée, les aiguilles indiquent 4h10 du matin, soit l'horaire exact du passage du train Limoges-Paris en gare de Chabenais. La jeune femme n'a avec elle aucun papier d'identité. Son identification est donc impossible. Une semaine après le drame, Interpol alerte les gendarmes. Une jeune étudiante du nom d'Isabelle Pic a disparu après son départ de Limoges à bord du train pour Paris dans la nuit du 12 au 13 octobre. La jeune femme rentrait à Birmingham pour rejoindre son petit ami. Sa veste, ses bagages et son sac à main seront finalement découverts le long des voies, à une quinzaine de kilomètres de la gare de Chabenais. L'autopsie confirmera qu'il s'agit bien de la jeune Anglaise. Selon les premiers éléments d'enquête, la victime a été défenestrée du train Limoges-Paris et son corps a heurté un pylône en acier à plus de 140 km/h. Des appels à témoins sont lancés dans toutes les gares et dans toutes les villes traversées par le train Limoges-Paris. Dans les jours qui suivent, certains voyageurs se présentent à la gendarmerie et affirment avoir vu la jeune Isabelle peu avant le départ du train. Oui, elle était sur le quai en gare de Limoges. À ses côtés, plusieurs témoins affirment qu'il y avait un jeune homme de type maghrébin qui portait une casquette. Isabelle et lui sont montés ensemble dans le train. Ils se sont assis dans le même compartiment. Et la suite, c'est un cri d'horreur qui a déchiré la nuit vers 4h du matin. Rapportera un riverain de la gare de Chabenais. Deux mois plus tard, dans la nuit du 12 au 13 décembre, nouveau drame. Il est 2h54 du matin lorsque le contrôleur du train Calais-Vintimille tire le signal d'alarme. Le train s'arrête quelques instants plus tard en pleine voie à hauteur du Dijon. Dans la voiture 46, les portes et les toilettes sont à demi entrebâillées. Un corps gît à l'intérieur et en bloque l'accès. Au sol et sur les parois, du sang et des éclaboussures rouges. Quelques mètres plus loin, dans le compartiment, un petit garçon dort. C'est le fils de la victime. Le médecin légiste constate que la jeune femme a eu le cou tranché. Elle a également été poignardée à plus d'une dizaine de reprises. Cette jeune mère de famille de 36 ans s'appelle Corinne Caillot. On retrouve son sac, ses papiers et son porte-monnaie. Il ne s'agit donc pas d'un vol qui a mal tourné, mais bien d'un meurtre. Les enquêteurs découvrent près des places assises de la voiture 40 une casquette tachée de sang. Certains passagers affirment alors qu'elle appartient à un jeune homme qui s'est montré très agité depuis le départ. À plusieurs reprises, il est parti fumer dans l'espace de connexion entre les wagons. Or, il se trouve que les contrôleurs ont verbalisé ce jeune homme un peu plus tôt dans la soirée. Oui, il voyageait à bord du train sans billet. Il a présenté sa carte d'identité, une carte au nom de Sid Rezala, comprenez, Sid Armen Rezala. De facto, il devient un témoin important dans le cadre d'une enquête pour homicide volontaire menée par le procureur de Dijon. Il est aussi considéré comme un potentiel suspect à cause de sa casquette ensanglantée. Une casquette et une description qui correspondent également au portrait robot du jeune homme qu'a rencontré une autre victime, Isabelle Pic, à la gare de Limoges, peu avant sa mort. Les gendarmes de Châteauroux veulent donc aussi entendre Rezala. Vendredi 17 décembre, 48 heures après le début des recherches pour auditionner Sid Ahmed Rezala. Dans la cave d'un immeuble d'Amiens, la police découvre le corps en état de décomposition avancée d'une jeune femme de 20 ans, Émilie Bazin. D'après les constatations du légiste, elle serait morte 2 mois plus tôt, par strangulation. Sur son corps, il y a des ecchymoses. Sur le reste de son visage, des traces de coups. Émilie est nue, enveloppée dans un drap. Et sur le bas de son ventre, le médecin légiste relève des traces de sperme. Elle était portée disparue depuis la mi-octobre, après une soirée arrosée avec 2 amis, dont l'un d'eux n'est autre que Sid Ahmed Rezala. Et d'ailleurs, la cave de l'immeuble où était découvert son corps n'est autre que l'endroit où Rezala louait une chambre lorsqu'il venait à Amiens voir son ex-compagne Nadia et s'occuper de leur enfant. Olivier Bruder, l'un des étudiants qui connaissait Émilie et qui a côtoyé Sid Ahmed, raconte. Quelqu'un de sympathique, a de la tchache, étudiant normal. Quelqu'un d'une vingtaine d'années, agissant normalement. Il s'est mélangé au groupe des étudiants, il faisait connaissance, il connaissait une personne, il connaissait d'autres personnes, et c'est comme ça que, entre étudiants, c'est des groupes comme ça, quoi. On connaît une personne, ensuite on en connaît plusieurs. Donc il s'est incrusté dans le groupe comme ça. Lors de la perquisition de la chambre du jeune homme, les enquêteurs découvrent des traces de sang sur le papier peint. Il trouve aussi les traces de cigarettes roulées dont le tabac correspond à celles retrouvées à côté du corps de la victime. Interrogée par la police, une voisine affirme que la nuit de la disparition d'Émilie Bazin, elle a entendu un cri terrifiant. D'autres voisins affirment que cette nuit-là, Sid Armel a descendu quelque chose à la cave et que le lendemain matin, il a ensuite nettoyé la cage d'escalier. Au soir du vendredi 17 décembre 1999, Sid Ahmed Rezala devient l'homme le plus recherché de France. Celui que les policiers voulaient interroger dans 2 affaires de meurtre, celui de Corinne Caillot et d'Isabelle Pic, est désormais également considéré comme suspect dans une 3e affaire, l'assassinat d'Émilie Bazin. Alors qu'en cette veille de vacances de Noël, la crainte d'une nouvelle attaque inquiète l'opinion, qui sera la prochaine victime du tueur des trains ? Affaire sensible, Fabrice Drouel. France Inter. 15h40, cet après-midi, Franck Herriot, vous l'annoncez sur France Inter en exclusivité. Le tueur présumé des trains, Sid Ahmed Rezala, venait d'être arrêté à Lisbonne, au Portugal. Mardi 11 janvier 2000, après une traque de plus de 3 semaines, la police portugaise arrête enfin le tueur des trains, Sid Ahmed Rezala. C'est une surprise pour les enquêteurs français. La cavale de l'homme le plus recherché de l'Hexagone a d'abord commencé par une escale à Barcelone. Arrivé par train dans la capitale catalane, il se retrouve à court d'argent, il vole un sac et se fait arrêter par la police. Malgré le mandat d'arrêt international et la fiche rouge délivrée par Interpol, les policiers espagnols le relâchent après une nuit de garde à vue, pensant juste avoir affaire à un petit dealer. Rezala reprend alors le train, cette fois pour le Portugal, où il trouve un hébergement chez l'ami d'une connaissance dans la banlieue de Lisbonne. Joint par téléphone sur France Inter, le juge Frédéric Dessonnette explique comment les policiers français l'ont retrouvé à cette adresse. On l'a localisé dès vendredi soir au Portugal. Il a été identifié sur les écoutes téléphoniques dès vendredi soir comme étant présent à Lisbonne. Il se trouvait dans la proche banlieue de Lisbonne. Et a priori, mais on n'a pas de plus en plus d'informations pour l'instant, chez un ami. C'est un coup de fil d'un proche, d'un ami qui les a alertés? Absolument. Il n'était ni balancé ni lâché. Je veux dire, le proche qui l'a appelé n'est absolument pour rien dans l'interpellation de Rezala. Pour l'instant, j'ai pas quantifié, mais c'est un travail colossal qui a été accompli. Dans énormément d'auditions, dans énormément d'écoutes téléphoniques qui nous ont permis de le suivre quasiment pas à pas. Est-ce qu'il a avoué? Est-ce qu'il a parlé? Pour l'instant, il ne pouvait pas parler puisque c'était un mandat d'arrêt du juge d'Amiens et que donc sur mandat d'arrêt, il ne pouvait pas répondre aux questions des enquêteurs. Et quand allez-vous pouvoir l'entendre? J'espère le plus rapidement possible. Dans le cadre d'une commission rogatoire internationale qui est déjà faite. Assis dans la salle d'interrogatoire, impassible, Rezala se mure dans le silence. Lorsque les policiers portugais lui demandent en français son nom, le jeune homme de 20 ans décroche alors un petit sourire. Il tourne la tête en direction d'un policier français présent derrière lui et lance d'un ton glacial « Demandez-le lui, il le connaît mon nom ». Incarcéré dans une prison de la capitale portugaise, Rezala s'oppose à son extradition et tente de gagner du temps. Ses avocats utilisent tous les moyens dont ils disposent pour essayer de retarder la procédure. En théorie, le Portugal n'a aucune raison de s'opposer à l'extradition. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Dans ce pays, en effet, la peine la plus lourde fixée par la loi est de 30 ans de réclusion. Lisbonne ne peut donc légalement extrader Rezala, qui risque lui la réclusion criminelle à perpétuité en France, si ce dernier ne donne pas son accord. En coulisses, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, va négocier en secret avec les autorités portugaises. Elle s'engage par écrit, alors qu'en théorie elle n'a aucune légitimité pour le faire, à ce que Rezala, s'il est extradé en France, ne soit pas condamné à une peine supérieure à 30 ans. Le plan d'Elisabeth Guigou est simple. Les juges français devront mettre Rezala en examen pour homicide et non pour assassinat, ce qui suppose la préméditation et qui est passible de la perpétuité. Ce marché conclu avec les Portugais reste à interroger Rezala et à le ramener en France. Début du mois de mai 2000, hôpital-prison Presinal de Caiax, banlieue de Lisbonne. 5 mois après son arrestation, dans une entrevue accordée au journaliste Le Figaro Aziz Zemmouri, le tueur des trains reconnaît pour la première fois son implication dans les crimes qu'on l'accuse d'avoir commis et il livre au passage des détails glaçants. Devant les responsables de l'administration pénitentiaire, Zemmouri s'est fait passer pour le beau-frère de Rezala. Curieux, le jeune détenu a joué le jeu et accepté de rencontrer le reporter. 12 heures durant, les deux hommes se sont ainsi retrouvés face à face à une table de la cafétéria de la prison. Au début, Rezala veut surtout avoir des nouvelles de son fils, de son ex-compagne, Nadia, et du climat à Marseille autour de sa famille. Petit à petit, entre le jeune détenu et le journaliste, la confiance se noue. Rezala finit par offrir à son interlocuteur une sorte de récit monologue de ses crimes dans un style décousu où l'horreur se mêle à la folie pure, côtoyant l'irrationnel parfois, l'insupportable souvent. « Que Dieu aide les familles et qu'il ne me donne que du malheur », lance alors Rezala à Zemmouri. Au sujet d'Émilie Bazin, la jeune étudiante de 20 ans retrouvée morte dans la cave d'Amiens après avoir été violée, tabassée et étranglée, Sid Ahmed raconte qu'il a fait sa connaissance à l'université. Il vendait du shit là-bas. Des potes d'Émilie me l'ont présenté, elle fumait aussi, on a sympathisé, raconte-t-il. Émilie sortait avec deux mecs. Il y en a un que j'ai vu pleurer car il souffrait de ça. Ça m'a fait pitié, je l'aimais bien. Alors j'ai tué Émilie pour venger ce type, lâche-t-il. 30 secondes avant, je savais pas que j'allais la tuer. J'ai eu un flash. Je l'ai vue morte. C'est comme un ordre qu'on te donne en image. Et après, tu l'exécutes. Le journaliste prend note des faits sordides et autres détails macabres. Puis Rezala enchaîne avec le récit de sa soirée du 12 octobre. Sa rencontre avec Isabelle Pic, étudiante anglaise en gare de Limoges. Une femme très douce et sympathique, décrit-il. Ils ont fumé un joint ensemble sur le quai. Elle lui a emprunté son téléphone portable pour appeler son compagnon. Puis ils sont montés tous les deux dans le train Limoges-Paris et se sont assis dans le même compartiment. Ensuite, j'ai encore eu ce flash. Le corps d'Isabelle Pix sera retrouvé démembré le long d'une voie de chemin de fer le lendemain matin. Et Rezala admet l'avoir fait basculer vivante par la fenêtre du train en marche. Témoin de ce voyage au bout de l'horreur, Aziz Emory racontera par la suite que durant leur entrevue, Rezala était pris de sortes de bouffées de chaleur. Il avait les yeux rouges. Il était lui-même secoué par ce qu'il me racontait, comme s'il n'y croyait pas, comme s'il ne voulait pas y croire. Il me disait faire des cauchemars toutes les nuits, se réveiller, se frapper la tête contre les murs, expliquera le journaliste. Vient enfin le récit terrible du dernier meurtre, celui survenu dans la nuit du 16 décembre à bord du train Calais-Vintimille. Rezala parle d'un ton sec, détaché. Il se souvient bien de la rencontre par hasard avec Corinne Caillot, cette mère de famille qui allait rendre visite à sa mère, malade. Corinne Caillot, c'était complètement gratuit. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Je l'explique pas. Je l'ai suivie dans les toilettes en lui parlant pour lui faire son sac. Je voulais juste la voler. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas vu qu'elle avait un gamin parce que j'aurais rien fait, c'est sûr. Mais j'ai eu ce flash. Oui, tu as un flash et tu ne vois plus rien. Tu ne réalises même pas quand tu vois le sang, clame Rezala. Corinne Caillot sera retrouvée quelques heures plus tard par des agents de SNCF, baignant dans une mare de sang dans les toilettes du train, son corps charcuté par une quinzaine de coups de couteau. Dans une tentative vaine d'expliquer ce qui a pu le pousser à plonger dans cette spirale meurtrière, Rezala pointe son addiction à l'alcool et aux stupéfiants. À l'époque, je buvais 2 litres de whisky par jour, mélangé à du shit et à des cachets. J'avais par la tête claire, quoi. Le jeune homme affirme aussi que c'est sa rupture avec Nadia qui l'a poussé à tuer pour satisfaire, comment dire, une sorte de besoin de vengeance. Nadia, cette femme qu'il a aimée et qu'il aime toujours, l'a abandonnée, selon lui, pour un autre, lorsque lui-même était en prison. Rezala s'est donc persuadé que les femmes ne sont pas fidèles et qu'elles sont toujours attirées par les beaux parleurs, comme il dit. Émilie Bazin et Isabelle Pic seront donc tués en représailles. Corinne Caillot, elle, par hasard. Au-delà des aveux de Rezala, certes inédits, l'intérêt de l'interview faite par Zemmoury se niche dans un élément inconnu jusqu'ici par les enquêteurs. Face aux journalistes, Rezala raconte en effet avoir été lui-même violé à l'âge de 9 ans, à Alger, dans son quartier. L'homme qui a abusé de lui était un proche de sa famille. Conséquence, il n'a jamais pu se plaindre et soupçonne même certains de ses proches d'avoir été au courant et d'avoir couvert son violeur. S'il n'excuse rien du comportement de Rezala par la suite, ce traumatisme psychologique dans l'enfance peut-il expliquer tout ou partie? La folie meurtrière, les flashs de passage à l'action et les pulsions de Sid Ahmed à l'âge adulte? Seuls des psychiatres peuvent en juger. Mais problème, les experts mandatés par le tribunal ne pourront pas rencontrer Rezala à temps. Non, car lancé dans une fuite à l'avant pour échapper coûte que coûte à la justice française, Sid Ahmed a déjà pris une décision radicale, mourir. Mercredi 28 juin 2000, Devant leur poste de télé, des millions de spectateurs français et portugais regardent la demi-finale de l'Euro de football France-Portugal. À la prison hôpital Pristinal de Cayax, dans la banlieue de Lisbonne, les gardiens et surveillants ont les yeux rivés sur le petit écran. Le suspense des 90 premières minutes se prolonge avec ce qu'on appelle en foot les prolongations, justement. Personne parmi les gardiens ne veut louper la fin du match, bien sûr. Conséquence, les rondes et la surveillance sont réduites à leur strict minimum. Il est tard. Assis dans sa chambre cellule, Sid Ahmed Rezala se prépare à passer à l'action. Quelques semaines plus tôt, il avait déjà essayé de s'ouvrir les veines, de se sectionner l'artère carotide et même de se pendre. À chaque fois, il avait échoué. « Je crois que c'est comme si Dieu lui-même ne voulait pas de moi », avait-il confié à l'un des médecins portugais qu'il avait examiné. Quelques heures plus tard, il est retrouvé mort, allongé à même le sol de sa cellule. Après avoir échangé par téléphone avec son homologue portugais, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, donne des précisions sur les circonstances du drame au micro de France Inter. Il m'a dit qu'il était mort à 23h heure locale, donc minuit en France, qu'il était mort par asphyxie, l'autopsie l'avait montré, qu'il avait mis le feu à son matelas, qu'il ne pouvait pas brûler puisqu'il était traité pour ne pas brûler, mais que le traitement chimique faisait que les fumées avaient dégagé des produits toxiques. Qu'il avait bloqué la porte avec son lit ou des morceaux de son lit, je ne sais pas exactement, et qu'il n'a pas été possible de le sauver. Bon. Alors il était, semble-t-il, très surveillé. Le médecin était passé le voir vers 18h, entre 18h et 20h. Voilà, et apparemment des rondes étaient faites très régulièrement, à intervalles rapprochés, pour le surveiller. Et donc c'est l'enquête administrative qui va déterminer quel a été l'intervalle entre les rondes, dans quelles circonstances finalement ça a pu se produire. Pour les familles proches des victimes, l'annonce de la mort de Rezala est à la fois un grand soulagement, car celui-ci ne pourra plus s'enfuir, refuser son extradition et surtout tuer. Et en même temps, c'est aussi une terrible frustration. Beaucoup parmi les proches voulaient un procès pour confronter Rezala. Un procès pour comprendre comment et pourquoi ce type que certains décrivaient comme un bon père de famille et un garçon charmeur a-t-il pu se transformer la nuit en monstre ? Dans les semaines qui suivent, les juges rendent une ordonnance de non-lieu pour les trois crimes. L'affaire Rezala s'éteint, il est mort. Mais sa culpabilité ne fait aucun doute. Il avait d'ailleurs reconnu ses crimes dans l'article du Figaro Magazine et dans les lettres confession qu'il avait envoyées à son ex-compagne, Nadia. Aujourd'hui, plus de deux décennies après les faits, le dossier Rezala reste rempli de zones d'ombre. Comment en effet expliquer cette folie meurtrière d'un jeune homme de 20 ans à l'automne 99 ? Comment expliquer cette fuite en avant, cette traque chaotique, ce suicide ? Autant de mystères que Rezala aura emporté dans la tombe. I'm your chauffeur with high. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de Sid Ahmed Rezala, dit le tueur des trains, dont nous allons parler avec notre invité, le journaliste Frédéric Vézard. Bonjour. Vous êtes à Strasbourg. Normalement, vous devriez m'entendre. Et je devrais entendre votre voix. Je vous entends très bien. Parfait. Oui. Donc, Frédéric Vézard, rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace et du journal L'Alsace. Vous êtes un ancien reporter, spécialisé dans les faits divers, justement, et notamment pour Le Parisien. Vous avez suivi et enquêté sur cette affaire Rezala, et vous êtes l'auteur du livre La France des tueurs en série, paru en 2002 aux éditions Flammarion. Bien. Alors, l'automne 99 était un contexte particulier. On était un an seulement après l'arrestation du tueur en série Guy Georges. Je pense, j'imagine que ça a joué sur l'aspect médiatique de cette affaire. Est-ce que ça a joué beaucoup? Et sur la psychose également? Oui, absolument. L'affaire Guy Georges, je le rappelle, le tueur de l'Est parisien, c'est une traque qui a duré 5 ans et qui s'est arrêtée effectivement au printemps 98, qui avait tenu en haleine à l'époque la France, bien sûr, mais aussi les journaux qui s'étaient livrés à une concurrence assez féroce sur cette affaire, les journaux et tous les médias. Et l'espace, effectivement, de quelques mois avec Rezala, on va revivre cette ambiance en version accélérée, je dirais. Et c'était effectivement une espèce de remake de l'affaire Guy Georges. Et en version ferroviaire, puisque 2 des 3 meurtres commis par Rezala ont lieu dans des trains. Est-ce que ce côté train a accentué la dramatisation de toute cette histoire, à votre avis? Des trains juste avant Noël, puisque le nom de Rezala va sortir au mois de décembre, donc une semaine avant le début des vacances de Noël, une période où les Français voyagent beaucoup en train, se déplacent en famille, et effectivement ça a joué ce fantasme, je dirais, des trains de nuit, voilà, qui sont des endroits parfois un peu inquiétants, avec des ombres qui circulent, des voyageurs mal identifiés, voilà, tout ça a joué, et effectivement ça a contribué à la scénarisation et à la dramatisation de cette affaire. Oui, je rappelle que la SNCF veut remettre des trains de nuit. Bon, tant pis pour l'ambiance, mais en tout cas c'est très utile. Cette affaire Rezala, c'est aussi une affaire dans laquelle un tueur en série va bénéficier de l'incompétence des policiers, sur ce coup-là en tout cas, ou tout du moins des couacs de l'enquête. Qu'est-ce qui a vraiment failli dans cette enquête? À peu près tout dans un premier temps, c'est-à-dire que l'affaire Rezala, c'est un petit peu la dernière affaire, effectivement, après toute une série de... Bon, l'affaire Guy Georges a duré 5 ans avec des arrestations, il a été relâché, il y a eu l'histoire des empreintes génétiques qui n'ont pas été partagées, etc. Dans Rezala, on a là aussi tout en concentré, c'est-à-dire que sur le premier meurtre, celui d'Isabelle Pic, ce sont les gendarmes de Châteauroux qui prennent l'affaire en main. Ils pensent d'abord à un suicide, alors qu'il y a pas mal de choses qui laissent penser que ce n'est pas un. Donc ils lancent pas au début un appel à témoins. Ils mettent un mois quand même à sortir un portrait robot. Le portrait robot sortira au moment du deuxième meurtre attribué à Rezala. Ça, c'est une première chose. Sur la deuxième affaire, le meurtre d'Émilie Bazin à Amiens, là c'est pire, parce que les policiers locaux vont conclure à une fugue. Et ne vont pas rechercher Émilie Bazin. Elle sera retrouvée à partir du moment où Rezala sera identifiée et où des amis d'Émilie Bazin verront à la télévision, entendront le nom de Rezala, verront le portrait robot et diront mais c'est le type qui était ami à ce moment-là. Et pour la troisième affaire, celle de Corinne Caillot, le ratage de Marseille que vous avez raconté tout à l'heure, là c'est le juge qui va mettre tranquillement 24 heures à envoyer un mandat de perquisition avec en plus une adresse qui n'était pas précise. Donc les policiers ont erré dans le quartier de la Belle de Mai sans pouvoir monter dans l'immeuble, alors que Rezala était à ce moment-là chez ses parents. Voilà. Donc ça fait beaucoup. Il a eu beaucoup de chance de son point de vue et évidemment ça a mis en lumière pas mal de failles qui existaient encore à l'époque dans les systèmes policiers et judiciaires en France. La perquisition, elle renvoie aussi à ce moment où le journaliste va voir le père de Sid Ahmed, et le père lui dit vous l'avez loupé à 5 minutes près, quoi. C'est ce qu'il lui a dit, ouais. C'est ce qu'il lui a dit, ce qui est probable. Ce qui est tout à fait probable. Il y a même une autre version qui circule, que je n'ai pas pu vérifier, d'un autre journaliste qui serait passé avant et qui se serait retrouvé face à Sid Ahmed Rezala, a-t-il dit après, mm-hmm. qui s'est présenté en prétendant être son frère. Voilà. Mais qui n'était pas parti à ce moment-là. Et en voyant les photos, il a dit, mais c'était pas son frère, c'était lui que j'ai vu. Donc oui. Il est parti on pense qu'il est parti vers le 16 décembre, c'est-à-dire le lendemain, puisqu'il a dû arriver en Espagne, effectivement, vers le 17 décembre. Frédéric Vézaron, vous ne quittez surtout pas, hein, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Soul, des Liminiados et Laurent Garnier. Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma. Inter. Frédéric Vézard, vous êtes rendu au Portugal juste après l'arrestation de Sidi Ahmed Rezala. Et sur place, vous avez mené l'enquête et reconstruit les derniers jours du jeune homme. Racontez-nous. Oui, ces derniers jours, c'était des jours à la fois d'errance, mais aussi d'opportunité. C'est-à-dire que Sidi Ahmed Rezala est un garçon très, vous l'avez dit tout à l'heure, très séducteur, très malin, voilà, qui a cette part de violence en lui, mais cette part de séduction aussi. Il arrive au Portugal. La première chose à dire, quand même, c'est qu'il part en Espagne, au Portugal, et je ne pense pas par hasard. À l'époque, déjà, chez les voyous, on sait que l'Espagne et le Portugal sont des pays où les systèmes policiers sont un peu plus faibles, relâchés qu'en France ou en Italie, par exemple, et c'est déjà là que les voyous vont se réfugier quand ils sont pourchassés. Et quand il arrive au Portugal, il est à la rue, il a quasiment plus d'argent, il a juste un sac à dos, quelques affaires. il va commencer par squatter une pension de famille, dormir dans l'escalier, et puis il va revenir à des choses qu'il faisait déjà quand il était un peu plus jeune, qu'il errait du côté de la gare Saint-Charles, c'est-à-dire qu'il va jouer de son charme, il va aller traîner dans une discothèque, un club gay de la ville, et il va séduire un entrepreneur portugais en goguette à Lisbonne, qui va le prendre sous sa protection et qui va lui trouver un hébergement chez des amis à lui dans la banlieue de Lisbonne, où il va pouvoir quand même rester pendant se cacher pendant quasiment deux semaines avant d'être arrêté. Et alors, contrairement à ce que dit le juge des honnêtes, la police aura-t-elle bénéficié de la complicité d'un des proches de Rezala pour le localiser via le téléphone? Bref, est-ce qu'il aurait été trahi par l'un de ses proches? Bien sûr, oui, bien sûr. Bon, c'est un secret polichinelle. Oui. Ouais, chose importante d'abord à dire, le 16 décembre, quand on comprend que la police l'a raté à Marseille, que François fait sa une, le Parisien aussi à l'époque, Chevènement, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur, est furieux, et donc il convoque Roger Marion, qui est à l'époque le patron de la PJ, Roger Marion, un policier aux méthodes un peu expéditives, qui prend immédiatement l'affaire en main. Première chose qu'il fait, c'est qu'il envoie deux policiers chez Nadia, la mère de l'enfant de Rezala, et parce qu'il se doute que Rezala va certainement entrer en contact avec elle. Et donc les policiers vont s'installer chez elle, et évidemment, écouter toutes ces conversations, capter tous les appels, etc. Rezala, quand il est à Lisbonne, va emprunter le téléphone de la personne qui l'héberge et envoyer un message à Nadia, en lui donnant un numéro de téléphone, celui d'une cabine téléphonique qui est près de l'endroit où il se cache, et en lui disant de l'appeler à telle heure. Voilà. Ce message va évidemment être intercepté, et quand Sidamed Rezala arrivera à la cabine téléphonique le 11 janvier, il y a des policiers viendront le cueillir. Mais bon, c'est une trahison ou c'est un manque de prudence, au bout du compte? Comment vous interprétez ça? C'est pas une trahison, plutôt un manque de prudence. C'est un manque de prudence de sa part, oui, bien sûr. Ça, mais oui. De toute manière, pendant toute sa traque, je veux dire, ce rapport qu'il a eu à la fois à Nadia et à son enfant a été quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire, c'est à la fois le mobile de certains de ses comportements, de certaines de ses explications, en tout cas de celles qu'il donnera avant, et à la fois la cause de sa chute, en fait, de sa chute personnelle et de sa chute dans sa fuite. C'est-à-dire que... Ouais. Oui, allez-y, comme il a toujours une pensée pour cet enfant qu'il a eu, cette petite fille, et sa compagne qui est la mère de son enfant, son ex-compagne. Et pour vous, c'est ça le point de rupture dans sa vie qui va le faire dévier grave, plus que grave d'ailleurs? Alors, il a dévié grave, comme vous dites, bien avant, puisque c'est depuis son arrivée en France, voire même avant, un petit délinquant qui est allé crescendo dans sa violence. Les crimes sauvages qu'il a commis dans les trains, effectivement, il y a une réelle bascule, cet acharnement sur les femmes qu'on a pu retrouver chez d'autres tueurs en série comme Guy Georges ou Patrice Allègre, ça montre vraiment une volonté, je dirais, de régler des comptes, de se venger des femmes. Et cette bascule-là, elle arrive effectivement à partir du moment où il part à Amiens, il sort de prison où il avait été emprisonné pour une agression, il part à Amiens, il veut retrouver Nadia et sa fille, et quand il arrive, Nadia vit avec un autre homme et le met à la porte. Voilà. Et donc lui reste à Amiens, il s'occupe de sa fille, il essaye de recoller les morceaux, mais il ne voit que ça ne marche pas, et c'est là que tout bascule. C'est là qu'il part, et c'est là que commence son errance, et c'est là qu'il commence à tuer. Parce que son enfance, elle était plutôt heureuse, brillant en sport, bonne élève, vedette équipe du basket de la banlieue d'Alger, je crois. Bon, le départ était plutôt bien. Après, il y a la fuite d'Algérie des Rezala, il arrive en France, là il part en vrille, il y a aussi ce déracinement peut-être qui joue. Alors il y a ce déracinement, c'est la période effectivement la plus obscure, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Alors la famille Rezala est une famille très taiseuse, hein. Il a été très difficile d'en savoir plus. Le fait qu'il n'y ait pas eu de procès évidemment ne facilite pas les choses, hein, puisque l'enquête n'a pas été menée jusqu'au bout. Les Rezala ont fui l'Algérie en 94, probablement à cause des islamistes qui tenaient le quartier dans lequel ils habitaient et qui les menaçaient parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux, parce que le grand frère de Sidamed avait aussi la réputation d'être homosexuel, ce qui évidemment rejaillissait sur toute la famille. Et ils ont vraiment fui l'Algérie, alors qu'ils étaient effectivement plutôt bien installés. Le père était mécano, il avait un travail, un appartement. La vie n'était certainement pas facile, mais en tout cas, la famille était stable. À partir du moment où ils arrivent à Marseille, tout effectivement part de travers. Par en vrille, ouais. Mais pour Rezala, il s'est passé certainement autre chose avant, parce que c'est vers l'âge de 10 ans, en fait, quand il rentre au collège, qu'il commence vraiment à changer de comportement, et ses professeurs de l'époque au collège, et même un psy qui l'a vu à l'époque en Algérie, commence à déceler chez lui un vrai problème psychiatrique, une réelle instabilité. Oui, parce qu'il dit, il affirme qu'il a été violé pendant l'enfance. Alors, existe-t-il à votre connaissance des éléments qui confirment cette histoire? Ou qui affirme? Non, il n'y a pas d'élément, il n'y a aucun élément qui confirme cette histoire. Il y a même un élément qui l'infirme plutôt, puisque Rezala a été emprisonné ensuite deux fois par la justice des mineurs en France, puis par la justice des majeurs à Marseille. Il a été à chaque fois vu par des psys. À aucun moment, il n'a parlé de cela aux psys. Ce qui laisserait plutôt penser que cet épisode a pu être inventé. Il était un peu mythomane, Rezala. Après, il y a dans son comportement... La première chose qu'il a faite, c'est lui-même a violé un enfant quand il était à la gare Saint-Charles. Et c'est la cause de sa première altération. Oui. Donc tout ça laisse penser effectivement qu'il y avait un problème effectivement de ce côté-là, une plaie, une rupture, quelque chose qui s'est passé et qui l'a fait vraiment basculer et qui a vraiment scindé sa personnalité. Merci Frédéric Vézard pour ce point complet fait sur l'affaire, et vous avez écrit un livre sur la France des meurtriers en série dont Rezala faisait partie évidemment. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Sid Ahmed Rezala, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. La technique aujourd'hui, il y avait Vincent Desières.